Nouveau temps de la matinale des droits et libertés. Aujourd'hui, on plonge dans un débat qui touche vraiment notre quotidien. Internet affaiblit-il le lien social ? C'est un sujet qui divise parce qu'on voit bien que les écrans nous relient d'un côté, mais qu'ils peuvent aussi nous isoler de l'autre. Ce matin, on commence avec deux invités qui défendent la thèse suivante. Internet fragilise la sociabilité, abîme les relations réelles et transforme nos comportements. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On commence avec vous. Vous partez d'un témoignage d'élève assez fort. De quoi s'agit-il ? Pour nous, Internet a clairement affaibli le lien social. On pense notamment au témoignage d'un élève qui expliquait que son usage du téléphone avait complètement désorganisé sa vie. Il travaillait ses devoirs à 2h du matin, il n'avait plus d'interaction normale dans la journée, ses relations amicales s'étaient dégradées. Cet isolement numérique montre bien qu'Internet peut remplacer, puis détruire les liens réels. Chloé, vous vous appuyez aussi sur des données plus larges. Qu'est-ce qu'elles montrent ? Que le problème n'est pas marginal. En effet, en 2022, les adolescents de 13 à 17 ans passaient 4 à 5 heures par jour sur leurs écrans. Et pendant ce temps-là, ils ne lisaient plus, ils ne font plus de sport, ils ne cuisinent plus, ne passent plus de moments en famille ou encore ils ne peuvent plus se promener vraiment. Internet prend la place de tout ce qui construisait traditionnellement le lien social. Vous dites aussi qu'Internet modifie la manière d'échanger. Comment ? Beaucoup d'interactions deviennent superficielles. Des messages courts, des réactions rapides, peu d'écoute, peu de profondeur. Les conversations sont remplacées par des emojis, les disputes s'enveniment plus vite. Et surtout, les échanges virtuels ne remplacent pas les liens réels qui demandent présence, nuance, empathie. Vous parlez aussi de dépendance. Est-ce un problème social ? En quoi est-ce un problème social ? Parce que les plateformes sont conçues pour qu'on reste dessus. Les notifications, les algorithmes, les flux infinis, tout est pensé pour capter l'attention. Résultat, certains jeunes sortent moins, voient moins leurs amis et leur vie sociale se réduit progressivement. Ils sont connectés, mais restent seuls. Ce qu'on retient, c'est que pour vous, Internet peut isoler, réduire la sociabilité réelle, appauvrir les interactions et créer une dépendance qui éloigne du monde. C'était la première partie de notre grande discussion sur Internet et le lien social. Dans un instant, une autre perspective. Un second épisode où deux invités viendront défendre l'idée inverse, c'est-à-dire qu'Internet renforce le lien social. Restez avec nous !